ce que tu as oublié, qu'il n'y a pas de méchant et pas de gentil, qu'il faut juste savoir pardonner. Un rayon de soleil vient soudain te réchauffer, une pluie de miel calme les larmes du passé. Pour aller passer, tu sais déjà qu'il est tard.